إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا 31 في دراسة المورد العدب الزلال للشيخ النجمي حفظه الله تعالى. سنوتخ 31ème cours dans l'étude du livre de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, la source délicieuse et abondante dans la critique de certaines croyances et de certaines voies de la da'wa. والآن مع الملاحظة الحادية عشرة على الإخوان المفلسون. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الملاحظة الحادية عشرة: عداؤهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين والمشركين، ومن أعظم الأدلة على ذلك قتالهم لجماعة جميل الرحمن الأفغاني رحمه الله تعالى في كونر، وتركهم للملحدين، واجتماع جميع الفرق عليهم، وتصريح بعضهم أن قتالهم لهم قتال عقيدة. ومن أعظم الأدلة على عدائهم للسلفية المنشور الذي نشروه بعنوان السلفية الجديدة: ندوب في وجه السلفية الحقيقية. إن هذا العنوان جدير بأن يحاكم عليه. إمنتنو الشيخ au niveau de la 11e critique sur l'Ikhwal Muflisoun, et qu'ils déclarent la guerre, ils sont les ennemis des unificateurs et des salafis, et par contre ils s'allient aux innovateurs, ils sont doux avec les innovateurs et avec les associateurs. Et la plus grande des preuves pour cela, c'est qu'ils ont combattu le groupe de Jamil al-Rahman al-Afghani rahmatullah alayh, dans la principauté de Konar en Afghanistan, à l'époque du jihad des Afghans contre les Russes, et le fait que ils ont combattu les salafis, ils ont laissé de côté les athées et les associateurs, ils sont réunis tous les groupes qu'ils sont en Afghanistan, hein, pour combattre ce groupe de la salafia qui était le groupe de Jamil Rahman l'Afghan rahimahullah. Et certains parmi eux ont déclaré à cette époque que le fait de combattre et de tuer la jama'a de Jamil Rahman, ceci fait partie de la aqidah, et ceci est une des grandes preuves de leur guerre, de la guerre qu'ils font à la salafia et au monothéisme. Ils approuvent aussi ce tract qu'ils ont propagé à un certain moment donné, dont le titre c'est ceci: la nouvelle salafia, c'est des griffes dans le visage de la salafia réelle. Et Cheikh Najmi de dire ce titre, il faut lui juger pour ce titre. Et on dit aussi: regardez maintenant ce qui se passe à Gaza. Qu'est-ce qu'ils font les troupes de Hamas, des mosquées salafies? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Merkez al-Albani à Gaza, hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de toutes les mosquées des frères salafis palestiniens dans les camps, que ce soit Shbra et Satila dans les années 80, ou là que ce soit dans les autres camps palestiniens? Et lisez ce que écrivent le frère palestinien salafi sur Sahab, vous allez vous rendre compte de l'amertume et de l'horreur que font subir les troupes de Hamas. Et Hamas, c'est une fraction des Ikhwan et des frères musulmans, et l'horreur qu'ils font subir à leurs frères salafis dans les camps de dans les camps palestiniens. وهذه الملاحظة الحادية عشرة من أهم الملاحظات على الإخوان المفلسون عداؤهم للسلفيين والموحدون. Et cette onzième critique de la part de Cheikh Najmi حفظه الله تعالى, c'est la plus grande et la plus importante des critiques, c'est qu'ils sont ennemis de la salafia et du monothéiste. فعندما كان الأفغان يحاربون الشيوعيين وكانوا سبعة أحزاب منها الصوفي والشيعي والإخواني وكان أغلبهم إخوان وكانت هناك جماعة سلفية في منطقة كونر وهي منطقة معروفة حررها هؤلاء السلفيون تحت إمرة الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى وأقاموا فيها إمارة سلفية والشيخ جميل الرحمن كان سلفيا وأقام في إمارته الحكم بالشريعة وأحرق فيها مزارع الحشيش وهدم فيها القبور وأقام فيها التوحيد والحدود. Et la preuve comme quoi les frères musulmans partout où ils sont les ennemis des monothéistes et des salafis à l'époque du jihad authentique des Afghans contre les Russes. Les Afghans, ils étaient composés de trois parties. Parmi ces parties qui combattaient les Russes, il y avait les Soufis, il y avait les Shia, il y avait les Ikhwan. La majorité était des Ikhwan. Et au milieu de tout ça, il y avait aussi un groupe salafi. Ce groupe salafi était concentré dans la principauté de Konar, qui est une région très connue en Afghanistan. Et ces salafites ont libéré cette principauté. Konar, ils en ont fait une principauté sous la présidence et sous l'imara de Cheikh Jamil Rahman, qui était un cheikh salafi. Et ils ont, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Jamil Rahman, était un salafi. Il prenait conseil auprès des grands savants. Et il a accompli sa pression dans sa principauté de Konar, la législation de Allah Azza wa Jal, il a donné l'ordre que tous les champs de pavots et de hachis soient brûlés. Ils étaient brûlés. Et il a remis les tombes à leur place au niveau où ils doivent être. Et il a détruit toutes les formes de mausolées, etc. Et il a accompli le monothéisme dans sa principauté. Et aussi les sentences. Il émettait des sentences contre ceux qui commettent l'adultère, contre ceux qui volent, etc. Donc, la législation vivait dans la principauté de Konar. وكان في كونر مدارس تدرس التوحيد والسنة وكانت إمارة كونر غرة في الجبين الإفغاني كانت كأنها قطعة من بلاد التوحيد من حيث المناهج وتسوية القبور وتطبيق الشريعة وكانت السلفية فيها قوية. Et Konar, cette principauté, la responsabilité du gouvernorat de Cheikh Jamil Rahman. Donc Konar, à cette époque, il y avait des écoles où on enseignait le monothéisme et la sunna. Et la principauté de Konar était une tache de lumière en Afghanistan. On dirait une parcelle du pays du monothéisme qui est l'Arabie Saoudite là-bas. Du côté de la façon de faire les études et ce qui était enseigné, etc. Et comment les tombes ont été anéanties et revenues au niveau du sol et l'application de la législation. Et la salafia à l'époque de Cheikh Jamil Rahman était très forte dans la principauté de Konar. وطبعا كان الإخوان يرون في هذه الإمارة ألذ عدو لهم كعادتهم في نصب العداء والبغض للسلفيين. فكان الشيخ حكمة طيار وأمثاله من قادة الجهاد الأفغاني المنحرفين يقولون هؤلاء الوهابية كانوا ينبذون إمارة كونار بالوهابية وكان يقولون هؤلاء الوهابية أشد علينا من الشيوعيين. Et naturellement, les frères musulmans voyaient cette principauté d'un mauvais œil. Ils la considéraient comme le pire de leurs ennemis. Comme à leur coutume, à prendre comme ennemi clair et le plus fort des ennemis, les salafis. Ce sont leurs plus grands ennemis. Et Hikmat Rayar, ainsi que d'autres commandant du jihad afghan qui n'était pas sur la voie du puiseur d'Allah Alim, il disait si wahhabia, il traitait à Cheikh Jamil Rahman de wahhabite. Et il disait que la communauté, la principauté de Konar était une principauté wahhabite. Il disait si wahhabites sont pires pour nous que les communistes. Ainsi, ils voyaient en les wahhabites qu'ils étaient leurs pires ennemis, plus que les communistes. Il faut que vous sachiez votre histoire, l'histoire contemporaine. Inch'Allah, avant de terminer, on va faire comment il y a eu l'assassinat du Cheikh Jamil Rahman, hafidhahullah ta'ala, pour comprendre de quoi ils sont capables, ces frères musulmans, et qui est leur réel ennemi. Ils n'ont d'autre ennemi que les salafis. وقبل أن يفتحوا كابول اجتمعوا نحو من 20,000 من جميع الأحزاب حكمتيار رباني وغيرهم وحاصروا وقاتلوا إمارة كونر وفعلوا فيها أفاعيل وفعلوا بالسلفيين بكونر ما لم يفعلوا بالشيوعيين وأرسلوا تكفيريا مصريا لقتل جميل الرحمن وقتله وقام تلامذة الشيخ بقتل هذا التكفير في كابول ثأرا لشيخهم يافون دو كونكيغير Kaboul, ils se sont réunis 20 000 hommes de tous les partis, Hikmatia, Rabbani et les autres, ils ont encerclé la principauté de Konar. Ils ont tué à Konar, ils ont fait à Konar ce qu'ils n'ont pas fait aux communistes. Ils ont violé, ils ont pillé, ils ont fait à Konar, ils ont fait aux salafis de Konar ce qu'ils n'ont jamais fait aux communistes. Ils ont envoyé un tkfiri égyptien pour tuer Jamil Rahman et il l'a tué. Cheikh Jamil Rahman a sa coutume, quand un arabe vient, d'habitude quand quelqu'un qui n'est pas arabe vient, se présente sous la tente de Jamil Rahman ou là vers sa résidence, on le fouille. Mais comme c'est un arabe, on ne le fouille pas par respect. Donc ils n'ont pas fouillé cet égyptien et il est rentré. Et Cheikh venait de terminer son rousse d'Yal Jumu'a, il se prépare pour aller faire le Jumu'a, il a vidé son arme sur Jamil Rahman et il l'a tué. Et les élèves de Cheikh Jamil Rahman, ils ont tué ce tekfiri à Kaboul par vengeance pour leur Cheikh. فبعد مقتل جميل الرحمن هاجموا الإمارة وفعلوا الأفاعيل بالموحدين ونريد بعد ذلك الفلاح لأفغانستان كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ وأهل الانحراف اجتمعوا لمحق الحق ومقاتلة أنصار السنة. فانظر الحال الآن. Et après l'assassinat de Jamil Rahman, ils ont pillé la principauté de Konar. Ils ont fait des actes horribles. Ils ont fait subir aux monothéistes et salafis des actes horribles. Et après, en ne voulant la réussite pour le peuple afghan, comment il peut y avoir la réussite? Il a paix pour le peuple afghan après que les gens de la déviation et de l'égarement se sont réunis pour anéantir la vérité et pour combattre les défenseurs de la sunna. Regardez maintenant la situation de nos frères en Afghanistan. فقضيه كونر هذه تدل على بغض الاخوان المفلسين وكل الجماعات المتفرقه عنها القطبيه السروريه التكفير والجهاد التكفير والهجره وغيرها على بغضهم الشديد وعداوتهم الصريحه الواضحه لاصحاب المنهج السلفي والله المستعان. اي سيتاكت كي اي اكونار سيت اوريبل اكت كي اي اكونار بروف لا هين دي فرير مسلمون et tous les groupes qui découlent de cette mer négrière, à savoir les Qutbi, les Sururi, le Tkfir, le Jihad, le Tkfir, le Hijra et autres, ça prouve la haine de ces groupes et leur animosité claire et leur haine claire vis-à-vis des salafis et de ceux qui suivent la voie de leur puiseur d'Allah alayhi. والإخوان المفلسون لما كان السلفيون في أفغانستان يستنجدون بالمسلمين في السعودية كان الإخوان والقطبيون في السعودية وغيرها من الدول يقولون اسكتوا اسكتوا هذه فتنة هكذا كانوا يسكتون الناس وهم لا يتركون فتنة في الدنيا إلا ويدخلون رؤوسهم فيها أما هذه لما كانت الغلبة للإخوان المفلسين وكانت حربا ضد السلفيين في كنار قالوا اسكتوا هذه فتنة فالتاريخ المعاصر لهذه الجماعة يحمل في طياته خزي وعار على هذه الجماعة. Et les frères musulmans, quand les salafis d'Afghanistan appelaient secours les musulmans à travers le monde, en Arabie Saoudite, au Koweït, un petit peu partout, les frères musulmans, les Qutbis en Arabie Saoudite et dans le Golfe, disaient aux gens, taisez-vous, ceci est une fitna, laissez, ne vous mêlez pas de ça, laissez, c'est une fitna. Alors qu'eux, ils ne laissent pas une fitna sans y rentrer, sans y mettre leur tête. Mais là, à Konar, comme ceux qui ont gagné, ce sont les frères musulmans, et comme c'était une guerre contre les salafis, ils disent de se taire. L'histoire contemporaine de ce groupe d'Al Ikhwan al-Muslimun porte dans ses pages, à des pages noires, contre cette jama'a. Contre la honte de cette jama'a, qui est la jama'a d'Al Ikhwan al-Muflisun. فما هذا هذا الورع البارد اللبتم الناس وهيجتم الشباب أيام فتنة الخليج وكانت فتنة في الفعل بالفعل وكان عليكم أن تسكتوا وتتركوا الأمر لكبار العلماء لكنكم تكلمتم وهيجتم الناس فأنتم أصل هذه الفتنة. Et c'est quoi cette position qu'ils avaient eue? C'est une fausse position qu'ils avaient eue. Alors que pendant la première guerre du Golfe, alors que c'était une fitna, à ce moment-là, ils ont excité les gens. Alors qu'ils devaient se taire et écouter les grands hommes de science, ils ont excité les gens. Et c'est eux à l'origine de la fitna. Et quand c'est les salafis qui se font massacrer en Afghanistan, et que c'est eux qui sont à l'origine de leur massacre, ils demandent aux gens de ne pas rentrer dans le fitna et de se taire. Alors que c'est eux l'origine de cette fitna. أما في كونر التي كانت الحرب من جماعتكم ضد السلفيين واجتمعتم عليه أنتم والقبوريون والتكفيريون والرافضة والحشاشين وقطاع الطرق والصوفية وكان من واجبكم أن تنصروهم وما خجلتم أن تقولوا اسكتوا هذه فتنة فهذه صفحة من صفحات الخزي يسجلها التاريخ في حياة هذه الجماعات المخالفة للسنة وفضحهم الله عز وجل أيما فضيحة فلقد تبين تناقضهم العجيب وادعاؤهم الزائف فهؤلاء في الفتن فعلا يتكلمون. كنت كونار. Quand la guerre était contre de votre groupe, était contre les salafis, contre les gens de la vérité, où vous êtes réunis avec ceux qui adorent les tombes, avec les tkfiris, avec le rafida, avec les drogués, avec les brigands, avec les pilleurs, avec les sophis, alors que votre devoir c'était de faire triompher les frères salafis. Vous n'aviez pas honte de dire aux gens, taisez-vous, ne rentrez pas dans cette fitna. Ça c'est une page de l'histoire qui porte votre honte. Ça c'est une page noire. Pour tous ces groupes qui se sont alliés avec vous, vous l'Ikhwan, et tous les groupes qui se sont alliés avec vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous a divulgué et il vous a montré sur votre réel visage, et il est apparu clairement avec l'histoire de Konar, avec l'histoire de la première guerre du Golfe et la deuxième guerre du Golfe, votre visage est apparu clair maintenant que vous êtes des gens de la contradiction et que c'est vous qui allumez les fitanes et qui ont foncé les jeunes dans les fitanes. فالتاريخ سجل عليكم كيف خذلتم إخوانكم السلفيين في كونر وكيف ناصرتم أهل الباطل هنا وهناك وكيف تقفون مع أهل الأهواء والبدع وتؤيدونهم فالإخوان المفلسون يلعبون على الحبلين كما يقال ويزينون بميزانين ويكلون بمكيالين فهذه مواقفهم المخزية فالإخوان المفلسون شاركوا القبورية والرافضة والحشاشين والتكفيرين وغيرهم في قتل النساء والأطفال وفي اغتصاب الأعراض في كونر وفي السعودية والعالم الإسلامي سكتوا ولم يتكلموا وطلبوا من الناس السكوت لا حول ولا قوة إلا بالله. Et donc l'histoire, dans les annales de l'histoire contemporaine est transcrit comment vous avez trahi vos frères salafis de Konar, comment vous êtes alliés aux gens du faux et du blâmable, comment vous vous êtes mis du côté des gens qui suivent leurs passions et les innovations, comment vous les avez fait triompher contre les frères salafis. Vous, l'Ikhwal Muflisoun, vous jouez sur les deux cordes, comme on dit, et vous pesez avec deux balances. Ça, ce sont vos positions noires et vos positions de malheur et vos positions malhonnêtes. L'Ikhwal Muflisoun se sont associés aux adorateurs de tombes, à Rafida, aux assassins, aux drogués, aux tkfirun et autres, dont l'assassinat des femmes et des enfants, et dont les viols et dont les vols là-bas à Konar, dans la principauté de Konar. En Arabie Saoudite et dans le monde musulman, ils ont demandé aux gens de ne pas, ils se sont tus. Les frères musulmans, en Arabie Saoudite et dans le monde musulman, ils se sont tus. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas levé le doigt. Et ils ont demandé aux gens de se taire. La hawla wa la quwwata illa billah. فهذا دليل معاصر واضح يسوقه لنا الشيخ النجمي لبيان عداوة هؤلاء إلى أهل السنة في كل مكان. Et ça, c'est une preuve contemporaine, hein, où il y a droit à l'histoire dans ces pages que Cheikh Najmi met en avant pour nous montrer la guerre et la haine qu'ont les Khwal Mouflisoun contre eux, les gens de la Sunna ont tout lieu, ont tout temps, hein, comme il se passe maintenant dans les camps de Gaza où ils font subir, hein, les horreurs à nos frères salafis dans les camps palestiniens. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى فهل في وجه السلفية ندوب وما هي هذه الندوب أهي دعوتهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة دون سواه من المخلوقين أم هو إنكارهم على من أشرك به أو أقر الشرك وسكت عن فاعله بل واحتضنهم وجعلهم إخوانا أم هي كونهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ولم يحرفوها أو يؤولوها أو يعطلوها. Et donc Cheikh Najmi de critiquer ce passage. Ils disent que il y a dans le visage des salafis des cicatrices. Et c'est quoi ces cicatrices? Est-ce que les cicatrices sont qu'ils appellent au monothéisme et ils appellent au fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal en dehors de toute autre créature? Est-ce que c'est une cicatrice le fait de blâmer l'associationnisme? Et est-ce que c'est une cicatrice le fait de, hein, de réprimander et d'attirer et de conseiller celui qui confirme shirk et qui se tait sur celui qui l'accomplit? Est-ce que c'est une cicatrice le fait de divulguer, hein, les erreurs de ceux qui recueillent les associateurs dans leur groupe et qui font que les associateurs soient leurs frères? Est-ce que c'est une cicatrice qui est-ce que c'est une cicatrice le fait de confirmer à Allah Azza wa Jal d'attribuer à Allah Azza wa Jal ce qu'il s'est attribué lui-même parmi les noms et les attributs et qu'ils ne les ont pas dépouillés de leur sens et qu'ils ne les ont pas et qu'ils ne leur ont pas donné à notre sens? C'est ça la cicatrice? Am hiya kawnuhum ittaba'u kitab Allah wa sunnata nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam taraku aqwar ar-rijal? Est-ce que c'est la cicatrice, c'est le fait d'avoir suivi le livre d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète, ils ont mis de côté les paroles des hommes? Am hiya kawnuhum ja'alu mutaba'atahum li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ashabi al-kiram muttabi'in lahum bi ihsan ila yawm ad-din? Est-ce que c'est une cicatrice qui est le fait de suivre Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles compagnons et leurs successeurs et ceux qui les suivent à la perfection jusqu'à la fin des temps? Am hiya kawnuhum nabadu al-bid'a bi jami'i anwa'iha وأجناسها ونبذوا أصحابها ودانوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أخذوها من المنبع الصافي كتاب الله وصحاح السنن. Est-ce que c'est une cicatrice dont la salafia le fait de mettre de côté, hein, les innovations dans toutes ses formes et d'attirer l'attention contre les innovations et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam et de prendre la sunna du prophète alayhi salatu wasalam de sa source la plus claire, le livre d'Allah et les livres des authentiques de la sunna? Afi wajhi as-salafiyyati nudub kalla wallahi inna an-nuduba fi al-wujuh al-kalihati lati ittakhadhat laha qudwatan min al-khurafiyyin wal-mubtadi'in wa'radu 'an al-haqq ba'da an 'arafuh. Cheikh Najmi de nous dire, est-ce qu'il y a des cicatrices dans le visage de la salafia? Il dit non, par Allah. Les cicatrices, ce sont dans les visages sombres qui ont pris comme emblème et comme guide des conteurs d'histoire, des innovateurs, et qui se sont détournés de la vérité après l'avoir connue. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: إن هذا العنوان فيه ظلم وحيف على السلفية الحقيقية. فلو فرضنا أن أحدا ممن انتمى إلى السلفية في زماننا هذا قال قولا فلو فرضنا أن أحدا ممن انتمى إلى السلفية في زمننا هذا قال قولا في غير محله أو اعتقد عقيدة تخالف منهج السلف، فهل يلحق السلفية منه شيء فضلا عن أن يكون ندوبا في وجهها؟ كما أن من انتمى إلى الإسلام وعمل ما يتنافى مع الإسلام فإن عمله لا يؤثر على الإسلام ولا يكون ندوبا فيه، وكذلك السلفية التي هي المنهج النبوي الأصيل الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم صار عليه أصحابه من بعده وأتباعهم بإحسان ليوم الدين. إيه الشيخ النجم يدير ce titre c'est une injustice dire le titre qu'ils ont mis sur leur tract la salafia nouvelle c'est une cicatrice dans le visage de la salafia réelle. Ce titre est une injustice contre la salafia réelle. Il dit: supposons que maintenant quelqu'un qui se dit salafi à notre époque et il a dit une parole qui est fausse ou il a cru quelque chose qui est en contradiction avec les croyances d'Yel Salaf et avec la voix d'Yel Salaf, est-ce que ceci on va l'attribuer à la salafia? On ne peut pas l'attribuer à la salafia, encore moins dire que ça c'est une cicatrice dans le visage de la salafia. Comme quelqu'un qui se dit musulman et qui fait un acte qui est en contradiction avec l'islam, on va dire que son acte c'est un acte de l'islam, ou ça, ça va influencer quelque chose sur l'islam, ou là il va être une cicatrice dans l'islam. Loin de là. Il en est de même pour la salafia. La salafia qui est la voix de notre prophète alayhi salatu wassalam, la voix authentique de notre prophète alayhi salatu wassalam, sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam durant sa vie et sur laquelle étaient ses compagnons après lui et ceux qui les suivent à la perfection jusqu'à la fin des temps, on ne peut rien lui attribuer ni lui dire qu'il a une cicatrice ou la dénigrer, parce que la voix il est épargné de l'erreur. C'est une voix protégée min Allah azza wa jal. Mais les salafis, c'est des êtres humains comme tout le monde, ils peuvent faire des erreurs. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: لقد قرأت هذا المنشور الظالم عدة مرات ورأيت ما فيه من الاتهامات الجائرة للسلفيين، فأحيانا يسميهم الكاتب أذنابا للشيطان، وأحيانا منافقين، وأحيانا يتهمون بأنهم يريدون أن يزحزحوا الشباب عن الثقة في دعاة الإسلام الذين سلكوا مسالك عدة واستخدموا وسائل متنوعة في نشره، تارة يتهمون بأنهم خوارج أو مثل الخوارج الذين يقتلون أهل الإيمان ويتركون عبدة الأوتان. الشيخ النجمي حفظه الله تعالى de nous dire: j'ai lu ce tract injuste plusieurs fois et j'ai vu des accusations qui ne doit pas avoir lieu et des accusations injustes. Et il dit, celui qui l'a écrit, des fois il dit des salafis que ce sont les queues d'Yel Shaitan, des fois il les traite d'hypocrites, qui les a rendus mécréants, et des fois il les accuse comme quoi ils veulent détourner les gens, des du'ats, des prêcheurs de l'islam qui ont pris des voies différentes pour appeler à l'islam et des moyens différents pour propager l'islam, et des fois il les traite comme quoi ce sont des khawarij, que ce sont des gens qui rendent mécréants les musulmans, ou qu'ils sont comme le khawarij qui tue les gens d'Yel Iman et qui laissent les associateurs. فهذا المنشور يجب أن يحاكم عليه. ما الفرق بين السلفية الجديدة والسلفية الحقيقية؟ Donc ce tract, il faut qu'il soit jugé pour ce tract. C'est quoi la différence entre la salafia ancienne et la salafia réelle? Aucune. La salafia Léon, c'est la voix de Mohammed alayhi salatu wassalam, de ses compagnons jusqu'à la fin des temps. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله: ونحن نقول الملتقى عند الله، ولا نعلم للسلفيين ذنبا إلا أنهم قالوا إن كل دعوة لا تؤسس على التوحيد الذي أسس عليه الرسل في دعواتهم في دعواتهم فهي مخالفة للمنهج النبوي الكريم والسنة المطهرة، وإن ادعى أصحابها أنهم على السنة فالدعاوى لا تقبل بدون إثبات، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Et Cheikh Najmidou dit, nous allons nous retrouver chez Allah Azza wa Jal. Et nous ne connaissons au Salafi un péché à part que leur da'wa est basée sur le monothéisme, sur laquelle ont basé les messagers alayhi salatu wassalam leur da'wa. Et toute da'wa qui n'est pas basée sur le monothéisme est une da'wa qui est en divergence avec la voie du prophète, du noble prophète alayhi salatu wassalam. Est une da'wa qui est en contradiction avec l'authentique de la sunna et la sunna pure, même si les gens de cette da'wa prétendent qu'ils sont sur la sunna, car le fait de prétendre ne peut pas être accepté sans preuve. Il cite un verset du Coran dans sourate Shu'ara, il dit: et ceux qui sont injustes, ils vont savoir comment ils vont retourner. Et ceux qui sont injustes vont savoir comment ils vont retourner. وتأتي الملاحظة الثانية عشر وهي أن الحزبية التي تفرق الأمة وتشطرها شيعا وأحزابا يكيد بعضهم لبعض ويبغض بعضهم بعضا. وقد سبق الكلام عن الحزبية بما أغنى عن إعادته هنا، وسبق هذا في باب كبير سماه الشيخ حفظه الله تعالى بيان مساوئ الحزبية. كنت لدوزيام كريتيك سي الشيخ دي دير كو إخوان المسلمين سون دونز اون حزبية دونز ان بارتي دونز un sectarisme qui divise la communauté et qui la coupe en plusieurs parcelles, en parties, en groupes, et chaque groupe est en train de manigancer contre le groupe. Chaque groupe est en train de creuser des trous à l'autre groupe. Et Cheikh avait déjà cité un énorme passage qu'il a intitulé « Le sectarisme et ses points néfastes dans la religion d'Allah Azza wa Jal ». Donc il ne le répète pas ici. ومع الملاحظة الثالثة عشر دعوتهم إلى إقامة دولة وإعادة خلافة، وهذا خطأ من مؤسس المنهج، وإن كان قد حصل منه بحسن نية، إلا أنه مخالف لما عليه دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال البنا في مجموعة الرسائل: تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا تمهيد للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة. انتهى كلام البنا. C'est leur 13e, la 13e critique qui met Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala contre l'Ikhwan, c'est qu'ils appellent au fait de construire, d'instaurer un État et de ramener la Khilafa. Et ça, c'est une énorme erreur de la part du fondateur de ce groupe et de cette voie. C'est une énorme erreur qui est arrivée, qui est émanée de l'Banna, soit avec bonne intention, hein, car même s'il est arrivé par une bonne intention, c'est une erreur, c'est une énorme erreur des Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, car ceci est en divergence avec la voie sur laquelle étaient les messagers alayhi salatu wassalam dans leur da'wa. Il Banna a dit dans l'ensemble de ses épîtres: il faut consolider les liens entre les pays musulmans tous pour préparer et pour la pensée forte et pour penser fortement et œuvrer fortement pour ramener la khilafa qui a été perdue. Ça, ce sont les paroles d'Al Hassan al-Banna. Wa yaqulu aydan Hassan al-Banna: l'islam din wa dawla wa mushaf wa sayf. Et al-Banna, il dit: l'islam, c'est une religion et c'est un état, et c'est aussi le mushaf et c'est aussi l'épée. ويقول: الإخوان المسلمون والخلافة. وذكر كلاما ثم قال: والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم. Il dit dans un chapitre, dans un épître, il dit: les frères musulmans et la khilafa. Il a cité des paroles et après ces paroles il a dit: les frères musulmans, la pensée de la khilafa, il عمل pour la ramener, c'est la tête de leur voix. وهذا التعبير وإن كان هو صحيح في نفسه أن الدين لا يقوم إلا بدولة تحميه وتقيم حدود الله فيه، إلا أننا لم نكلف بالدعوة إلى دولة، وإنما كلفنا بالدعوة إلى الدين الحق الذي يقوم على التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، والذي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف إلا من أجل تقريره والعمل به، ولا خلقت الجنة ولا النار الجنة والنار إلا من أجل جزاء العاملين به والرافدين له. وهذه دعوة الرسل، ولم يعرف عن نبي ولا عن رسول منهم أنه دعا إلى خلافة. ولقد قص الله عز وجل علينا أخبارهم وأوضح لنا منارهم وأمرنا أن نقتفي آثارهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الديوسي Cheikh Najmir Hafidallahu Ta'ala dit on critique de ce passage, de ces phrases d'Al-Hassan al-Banna. Et cette expression, même s'il est véridique, on est le même, que la religion ne s'accomplit qu'avec un État qui le protège et qui accomplit les sentences, sauf il ne nous a pas été ordonné à appeler à former un État. Mais il nous a été ordonné de faire la da'wa, d'appeler les gens vers la religion véridique qui s'accomplit sur le monothéisme, qui est la définition de la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager alayhi salatu wasalam. C'est pour ça qu'il a descendu le livre. Et c'est pour ça que les armes ont été levées. Non pas pour confirmer le monothéisme et pour œuvrer vers l'appel du monothéisme. Et le paradis et l'enfer ont été créés pour le monothéisme. Le paradis comme récompense à ceux qui ont mis en œuvre le monothéisme, et l'enfer pour ceux qui l'ont refusé et qui ont refusé la droite du messager alayhi salatu wasalam. Et on ne connaît pas un prophète ni un messager qui a appelé son peuple à une khilafa ou à former un état. Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé ce qu'ils ont fait alayhi salatu wasalam. Il nous a montré leur chemin et il nous a ordonné de suivre leurs traces. Et dans le verset, il est dit dans Surat Al-An'am, ceux-là qu'Allah, après avoir parlé de 25 prophètes, il dit, ceux-là qu'Allah a guidés, suivent leur chemin. وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ دَعْوَةً لَا تَقُومُ عَلَى الْأَسَاسِ الَّذِي أَسَّسَ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَوَّلِهِمْ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى آخِرِهِمْ وَخَاتِمِ النَّبِيِّنَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Et aucune da'wa ne sera acceptée chez Allah Azza wa Jal si elle n'est pas basée sur le fondement, sur lequel les messagers alayhi salatu wasalam ont fondu leur da'wa, du premier Nuh alayhi salatu wasalam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wasalam. Aucune da'wa qui n'est pas basée sur le monothéisme il sera nous avenant de chez Allah azza wa jal. Rappelez-vous Moussa alayhi salatu wasalam, quand il a été suivi par Pharaon et son armée, toute l'armée est sortie à suivre Moussa et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala les a engloutés solo. Après, une fois que Pharaon est mort, une fois que l'armée de Pharaon est engloutie solo, qu'est-ce qui reste en Égypte? Qui surveille l'Égypte? Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien. Il reste là-bas que les femmes, les vieillards, les personnes qui ne peuvent rien. Donc le pouvoir, il est libre. Pourquoi Moussa a.s. n'est pas retourné prendre le pouvoir s'il fallait faire un état? Là, la da'wa, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal, c'est l'obéissance à Allah Azza wa Jal, c'est d'être là et d'accomplir les actes que veut Allah Azza wa Jal et de adorer exclusivement Allah Azza wa Jal. Wa min jihatin ukhra yaqulu Sheikh An-Najmi hafidhahullah ta'ala فإن الدعوات التي قامت في بلدان ليس فيها دولة تحكم شرع الله ربما يكون لها بعض العذر لكونهم في دول لا تحكم بشرع الله فيما شجر بين الناس بل تحكم القوانين المستوردة فإن من يقيم في دولة تحكم شرع الله وتقيم حدوده لا يجوز له أن يدعو إلى إقامة دولة، وإن فعل كان خارجا على الدولة التي هو فيها ومستحقا للذم والعقوبة وبالله التوفيق. الشيخ النجمي de nous dire, et d'autre part, certains da'wa se sont accomplis dans des pays où on ne juge pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Peut-être que ceux-là, ils ont une excuse à appeler vers un État qui juge avec la législation d'Allah Azza wa Jal dans les problèmes qu'ils ont entre eux, et parce que ces pays jugent avec des lois qui ont été importées d'ailleurs. Mais il dit, quant à celui qui est dans un pays où on juge avec les lois d'Allah Azza wa Jal, où les sentences sont accompli, il n'est pas permis d'appeler vers le fait de construire un état. Et s'il le fait, ben il est considéré comme un khariji. Il est en train de sortir, de se révolter contre l'état Et avec ça, il mérite le blâme, il mérite le châtiment et autres. فهذه الملاحظة الثالثة عشر دعوتهم إلى إقامة دولة وإعادة الخلافة. فمثلا الإخوان، تأخذ مثلا الإخوان في السعودية يعيشون في دولة تحكم الشرع، ومع هذا يتبجحون بأنهم يريدون إقامة دولة إسلامية. فهل السعودية ليست بدولة إسلامية؟ فإذا كان في نظرهم عن السعودية أن السعودية ليست دولة إسلامية، فماذا يقولون في الدول الأخرى؟ وهذا إن دل على شيء إنما يدل على خلل في المنهج. Maintenant, cette treizième critique du Cheikh Najmi qui que les frères musulmans ils veulent à bâtir des États à travers le monde musulman pour ramener soi-disant la khilafa. Je prends par exemple l'exemple des Saoudiens, des frères musulmans en Arabie Saoudite, Qutbet Sororis dans leur toute leur entendance. Ils vivent dans un État dans lequel on accomplit et on juge avec les lois d'Allah Azza wa Jalla, où les sentences se font exécuter. Il y a des sentences qui se mettent en application, qui sont mises en application. Et malgré tout ça, ils veulent ramener construire un État islamique. Quel État islamique ils veulent? Ils vivent dans un État islamique. Ils vivent dans un État qui accomplit, le seul État sur Terre qui accomplit la législation d'Allah Azza wa Jalla. Bien sûr, pas tout est parfait, parce qu'il n'y a que l'œuvre d'Allah Azza wa Jalla qui est parfait. Mais dans l'ensemble, les sentences sont accomplies. Le monothéisme, et kada, le hijab est dans les rues, partout. Il y a une délégation qui blâme le mal et qui ordonne le bien, etc. Et ils disent, ils veulent. Alors si l'État saoudien n'est pas musulman, qu'est-ce qu'ils doivent dire des autres pays? Ça veut dire que les autres pays, c'est des mécréants pour eux, totalement. Et ça, si ça prouve quelque chose, ça prouve qu'ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur voie. Enfin, c'est quelque chose, c'est un intérêt, ils veulent un but, c'est un intérêt politique, c'est le pouvoir. Faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, parce que si l'Ikhwan, ils prennent le pouvoir quelque part, toi, le sunni, tu dois dégager. Tu dois sortir de ce pays. Les premiers avec lesquels ils vont régler leur compte, ce sont les sunnites. فتأتي الملاحظة الرابعة عشر أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل إثارة عليهم متأسين في ذلك بالخوارج الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وزعموا أنه لا يستحق الخلافة والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم وأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان وبالتأمل في حال الإخوانية نراهم يحبون المشركين ويعادون الموحدين فنراهم يحبون الشيعة ويثنون عليهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون حقا كما تقدم لنا ما نقل عن بعضهم أنه يقول أن دولة الخميني هي الدولة المسلمة الوحيدة. لكاتوغزيام كريتيك كيمي الشيخ النجمي حفظه الله تعالى كنتخو الإخوان سيكو ils cherchent tout le temps les défauts des gouverneurs des pays de l'islam. Pourquoi? Pour exciter les gens contre eux. Ils prennent comme modèle quoi? Donc, en agissant ainsi, leur modèle c'est quoi? C'est le Khawarij, qui se sont révoltés contre Uthman radiallahu anhu, qui ont prétendu qu'ils ne méritent pas la khilafa. Et si Khawarij, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'ils sortent de la religion comme sort la flèche du gibier qu'ils traversent, qu'ils transpercent. Ils y reviennent plus. Et qu'il tue les gens de la foi, et qu'il délaisse les gens, les associateurs. Regardez ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait à Konar, ce qu'ils ont fait de nos frères palestiniens, nos frères salafis palestiniens dans les camps de Gaza et ailleurs et dans les autres camps. Et quand on médite sur la situation des Ikhwan, on voit, ils cherchent l'amitié des associateurs, ils sont doux avec les associateurs, mais leur grand ennemi, ce sont les unificateurs. Ce sont les monothéistes. Ils aiment Shia. Ils font les éloges d'El Shia. Ils prêtent que ce sont eux les réels croyants. Et comme il est passé avec nous, tout ce que nous a transcrit Cheikh hier, le cours d'avant, ils disent que l'État de Khomeini, c'est le seul État islamique dans le monde. Alors que c'est l'État dans lequel on massacre les gens de la Sunna. c'est l'état dans lequel il y a l'adultère avec législation. Zawaj al-Mut'a direct de l'adultère. Hein? À tel point que certains parmi leurs muftis ont fait même le fatwa de sodomiser sa femme. Sharrafid al-Aydan Billah. وقد تأسوا بهم في إحصاء عثرات الولاة والخروج عليهم ولو كانوا مسلمين ولو كانت الأخبار المنقولة عنهم كثير منها كثير منها غير صحيح علما بأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو فسقوا. Ils ont pris comme modèle dans le fait de critiquer les gouverneurs des pays de l'islam. الرافضة الخوارج. Il les critique, il appelle à la révolte contre eux, même s'ils sont musulmans. Même si ce qu'on annonce des fois, comme défaucher un gouverneur, est vrai. Et des fois, beaucoup, ce ne sont que des propagations. C'est des choses qui sont propagées, qui ne sont pas fondées. Et des fois, ce sont des pervers qui viennent annoncer ça. Ce n'est même pas des gens de confiance. D'abord, authentifier, et bien, viens. Et des fois, souvent, c'est que du faux. Hein? Et même si c'était vrai, ben il n'est pas permis de se révolter contre le gouverneur, même si il tombe dans la perversité. في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما قاموا فيكم الصلاة لا ما قاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه من وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه الإمام مسلم. Écoutez maintenant ces hadiths que nous cite Cheikh Hafidhahullah Ta'ala de l'authentique du muslim dans lequel il y a l'obéissance à nos gouverneurs. Il dit du hadith de Auf ibn Malik al-Ajja'i radiallahu anhu, il a dit j'ai entendu le prophète alayhi sallam, il dit les meilleurs de vos gouverneurs ce sont ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment, ce sont ceux à qui vous faites dua, qui vous font dua, et les pires de vos gouverneurs ce sont ceux que vous détestez et qui vous détestent et vous les maudissez, ils vous maudissent aussi. Regardez qu'est-ce qu'ils font ikhwan des gouverneurs des pays de l'islam. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ya Rasoulallah, est-ce qu'on prend les armes contre eux? Il dit non, prenez pas d'armes tant qu'ils accomplissent la prière et faites attention tout un chacun sur lequel il y a un gouverneur et qu'il voit que son gouverneur tombe dans un péché, qu'il déteste le péché que commet ce gouverneur et qu'il reste dans son obéissance. Tu détestes l'acte blâmable qu'il a fait mais tu restes dans son obéissance, tu ne te révoltes pas contre lui parce que son acte de désobéissance il le concerne lui, te concernant rien du tout. Mais toi, il t'est demandé de lui obéir. وفيه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا. وسندخل حديث صحيح مسلم. Oum Salam radiallahu anhu dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il va y avoir des gouverneurs qui vont vous gouverner. Vous allez reconnaître des choses en eux qui sont bien. Vous allez me reconnaître, vous n'allez pas reconnaître certaines choses. Vous allez blâmer certaines choses. Vous n'allez pas aimer certaines choses parce qu'ils ne sont pas bien. Et donc, celui qui blâme, il est innocent, ça y est, il a rempli son devoir. Et celui qui déteste, il est épargné. Tu détestes avec son cœur ce mal, point final. Mais celui qui accepte et qui suit, hein? C'est celui-là qui est dans le tort. Mais celui qui, dans son cœur, il blâme, ça y est, il est épargné. Hein? Et ils ont dit à Rasulullah, on prend les armes contre eux. Il a dit non, tant qu'ils prient, prenez pas d'armes. Hein? Parce que là, il y a dans le fait, dans tout ça, dans ces conseils de prophète, de ne pas se révolter, il y a le fait d'épargner le sang de la communauté et qui est la sécurité. Chaque fois que la communauté a pris les armes contre son gouverneur, regarde ce qu'il y a eu. 25 ans de sang en Algérie. À tout ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé à Hamas, ce qui est passé par là et par-ci et par-là. Les leçons sont nombreuses dans la communauté. Mais l'Ikhwan, ils ferment les yeux sur les leçons. Le but, c'est d'arriver au pouvoir, donc tous les moyens sont bons. Ils utilisent la règle machiavélique, tous les moyens sont bons pour arriver à ce pouvoir. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى إلى عبد الله بن مطيع يوم الحرة فقال إني لم آتيك لأجلس وإنما آتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بس عبد الله بن عمر nous donne une leçon. À l'époque, عبد الله بن مطيع s'est mis à la tête d'une armée pour se révolter contre Zayd et pour désobéir à Zayd ibn Muawiyah et sortir contre lui. Il est allé le voir. Et Abdullah ibn Umar a cru que le compagnon est venu, Abdullah ibn Umar est venu pour s'asseoir chez lui, lui étale le tapis, il dit, je ne suis pas venu pour s'asseoir. Je suis venu pour te dire une chose, et pour t'avertir d'une chose. Celui qui désobéit, hein, le jour, celui qui enlève sa main de l'obéissance et qui sort contre son gouvernant, qui se révolte contre son gouvernant, le jour de la résurrection, il trouve Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucune preuve. Et s'il meurt sur cette situation-là, il n'a aucune allégeance vis-à-vis d'un gouverneur, ben il meurt de paganisme. Mais Jahiliya, regardez cet avertissement énorme. De qui? Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu arda. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور وعلى عدم نشر مثالبهم وعيوبهم لأن ذلك يترتب عليه من المساوئ والأضرار ما الله به عليم. Et ces hadiths authentiques dans Sahih Muslim prouvent qu'il n'est pas permis de se révolter contre son gouverneur et qu'il n'est pas permis de propager les défauts des gouverneurs s'ils en ont, par il en découle de si beaucoup de mal. Et le mal qui en découle, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Quand il commence, tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى الملاحظة الخامسة عشر البيعة في المنهج الإخوان وأركانها العشرة. وقد ذكر البنا في رسالة التعاليم من مجموعة الرسائل له حيث قال أيها الإخوة الصادقون أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة. Écoute maintenant la plus grande des catastrophes. La quinzième critique concerne l'allégeance que font les Ikhwan à leur chef et à leurs émirs. L'allégeance dans la voie des Ikhwan, il a 10 piliers. Et Cheikh Al-Banna l'a cité dans l'ensemble, dans Ta'alim, les enseignements, dans l'ensemble de ses épîtres. Et il a dit: frères véridiques, les piliers de notre allégeance sont 10. Mémorisez-les. Mémorisez-les, il dit à ses disciples. Premièrement, la compréhension. Deuxièmement, la sincérité. L'activité, être actif. Le jihad, le combat. Le sacrifice. L'obéissance, rester constant. Hein, se dépouiller pour le groupe. La fraternité. Et la confiance, faire confiance à son groupe et à la voix de son groupe, etc. فهذه الملاحظة الخامسة عشر إقامة يوم البيعة. فهل يجوز لداعية أن يقيم بيعة ويجعل لها شروطا وأركانا؟ فهذه من البدع الشنيعة وليست من السنة في شيء. وهذه بدعة أدخلها البنا وتعجب أنه بدأ بكلمة الفهم. والإخوان المفلسون في العالم يطلقون هذه اللفظة أخ فاهم، معناها أنه أخ مبايع أو من منتظم الجماعة، ثم استبدلت فيما بعد ذلك بكلمة ملتزم، وهذا كالأول من اصطلاحة الإخوان، ثم انتقلت كلمة ملتزم وشاعت على الألسن بمعنى متعبد ومتمسك. Et cette quinzième critique, le fait de demander l'allégeance, d'accomplir l'allégeance au groupe, est-ce qu'il, maintenant la question qui se pose, est-ce qu'il est permis à un da'i d'accomplir et de demander une allégeance et de faire que son allégeance soit basée sur 10 piliers? Ça, c'est une énorme innovation. et ça ne fait pas partie de la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais c'est une innovation que le banna a immiscée dans la voix de son groupe. Et ton étonnement ne s'arrête pas quand il commence. Le premier pilier, c'est la compréhension. Les Khwan Mouflissoun dans le monde entier, quand ils disent que ce frère, il est fahim, c'est-à-dire il comprend, ça veut dire que c'est un frère qui a fait l'allégeance, ou c'est un frère qui est dans les rangs d'Yel Ikhwan. C'est un lexique à eux. Hein? C'est un lexique. Quand il dit ça, c'est un frère fahim. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait l'allégeance. Il est déjà bien dans le groupe, etc. Hein? Ou alors c'est quelqu'un qui ne rate pas l'organisation, qui est bien organisé dans le groupe. Et après on a changé ce terme, on lui a dit multazim. Multazim, non? Cramponné à la religion. Et ça aussi c'est comme fahim, la même chose. Pour eux c'était quelqu'un qui a fait l'allégeance. Et ce terme multazim, il est passé, il s'est propagé sur les langues, et il est devenu quelqu'un qui s'attache à sa religion, quelqu'un qui s'attache à la sunna, etc. Mais au départ, à la base, c'est pour désigner le frère musulman qui a fait l'allégeance et qui est actif dans le groupe. Comme Fahim, comme Akh Fahim. وملاحظ يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وملاحظاتي على هذه البيعة من جهات الجهة الأولى أن البيعة حق للإمام الأعلى فمن أخذ البيعة غير الإمام الأعلى فقد ابتدع في الدين بدعة مذمومة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بايع إماما لم يبايعه لدنيا فبين أعطاه منها وفى له وإن لم يعطي لم يوفي وقوله سيكون عليكم أمراء فيكثرون قالوا فما تأمرون قال وفوا ببيعة الأول فالأول وقوله إذا بويع خليفتان فاقتلوا الآخر منهما. Les critiques qui émis Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala contre l'allégeance. Il dit l'allégeance c'est le droit du gouverneur. Le gouverneur qui gouverne le pays et qui gouverne la communauté. Et celui qui prend une allégeance en dehors du gouverneur du pays, il a innové dans la religion d'Allah Azza wa Jal, une innovation blâmable. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qui est rapporté dans Sahih al-Jami', hein, authentifié par Cheikh Nasr, il dit il y a un homme qui a fait l'allégeance à son gouverneur, à un gouverneur. Il lui a fait l'allégeance pour ce bas monde. S'il lui donne de ce bas monde, ben il obéit. S'il lui donne pas, il obéit pas. Et il a dit dans l'autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, il va y avoir des gouverneurs qui vont vous allez leur dire des choses, vous faire des choses que vous n'allez pas accepter, etc. Ils vont faire se porter des choses que vous ne pouvez pas. Ils ont dit à Rasulallah, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, vous devez accomplir la bay'a du promis. C'est-à-dire que vous avez donné l'allégeance à quelqu'un, vous restez sous son allégeance. Il a dit, dans le hadith, c'est-à-dire, il va y avoir des gouverneurs, ils vont être des gouverneurs, ils vont être nombreux. Il dit, qu'est-ce que tu nous conseilles à Rasulallah? Il a dit, vous devez respecter l'allégeance que vous avez fait au premier. Pas changer. Le gouverneur, c'est le gouverneur. Et quand il y a, maintenant, dans certains groupes comme Chili et Sinit au Maroc, ils ont l'émir du quartier, l'émir de l'université, l'émir de la ville, etc. Ça n'en finit pas. Que des émirs. Il y en a partout. C'est la même chose que l'Ikhwan, que chez l'Ikhwan. Hein? Et il a dit dans notre hadith, quand on fait l'allégeance à deux khalifas, il faut tuer le dernier parmi eux. Parce que c'est son injustice. Ouais. Il y a un khalifa déjà, pourquoi un deuxième doit y aller? Donc la sentence que doit faire ceux qui ont le gouvernement, c'est tuer le dernier. Hein? Prendre les armes contre le dernier et le tuer. Et ça, c'est les gouverneurs qui s'en occupent, ce n'est pas le commun du musulman. Sinon, ça va être la pagaille. Al-jihatu al-thaniya, annahu lam ya'raf anna ashab al-da'awat ya'khuduna al-bay'at 'ala da'awatihim, faqad qama al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi al-qarn al-thani 'ashar الهجري بالدعوة إلى الله في نجد ولم يأخذ من أحد البيعة على الطاعة ومع ذلك فقد بارك الله فيها. وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي حين قام بالدعوة إلى الله في جنوب المملكة لم يقل لأحد أنه يريد أخذ البيعة منه لما يدعو إليه وقد بارك الله فيها. وقبلهم شيخ الإسلام بن تيمية لم يأخذ من أحد بيعة وقد بارك الله في دعوته. فهؤلاء أصحاب الدعوة السلفية. أما المبتدعة فإنهم لا يتحاشون من البدع ومن الدعوة إليها. La deuxième critique qui met le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, elle dit, il y a beaucoup de prêcheurs qui sont passés, qui ont fait des da'wahs solides. Ils n'ont jamais pris d'allégeance chez les gens. Un bon exemple, Mohamed Ibn Abdullah, rahmatullah alayh, au 12e siècle de l'Hijr. Au 12e siècle de l'Hijr, il a fait sa da'wah à Najd. Il n'a pas pris d'allégeance chez les gens pour qu'on lui obéisse. Et malgré tout ça, Allah a béni sa da'wah. Il en est de même du Cheikh Abdullah ibn Mohamed al-Qarawi quand il a accompli sa da'wah dans le sud de l'Arabie Saoudite. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de lui faire l'allégeance. Allah subhanahu wa ta'ala a béni sa da'wah. Avant eux, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh et ses élèves, il n'a pris l'allégeance de personne. Allah subhanahu wa ta'ala a béni sa da'wah. Et beaucoup parmi les du'at à la salafia n'ont jamais pris d'allégeance sur quelqu'un. Quant aux innovateurs, Huma, ils ne se gênent pas. Ils prennent, ils innovent sans aucun problème. Ils prennent l'allégeance et ils se mettent les gens à des choses qui ne font pas partie de la religion de Allah Azza wa Jal. Par exemple, on rajoute à ça, Cheikh Mokbel au Yémen, quand il a commencé sa da'wah, quand il a fait sa da'wah. Sa da'wah, si c'est propagé au Yémen, il n'a jamais demandé à quelqu'un de lui faire l'allégeance. Cheikh Nasser, rahmatullah al Sham, en Syrie ou en Jordanie, il n'a jamais demandé à quelqu'un de lui faire l'allégeance. Pourtant, leur da'wah, il bénit min Allah Azza wa Jal. Hein? Et la même chose, il y a beaucoup de du'at, beaucoup d'hommes qui ont fait da'wa et qui ont œuvré dans le bon sens, n'ont jamais demandé de mais les innovateurs, eux, Abdeslam Yassine au Maroc, ils demandent l'allégeance. Hein? L'Ikhwan, ils demandent l'allégeance. Partout où tu vas, il y a l'allégeance à faire au chef du groupe. الجهة الثالثة أن أركان بيعة البنا 10، أما بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهي أقل من ذلك بكثير. ففي صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي حديث ابن عمر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقننا فيما استطعتم. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. الشيخ de nous dire le troisième point dans la critique de cette allégeance des mubtadi'a, des innovateurs, il dit les piliers de l'allégeance de Hassan al-Banna sont 10, alors que les piliers de la da'wa de Muhammad alayhi salam ne sont pas au nombre de 10, ils sont moins que ça. Ainsi que, hein, quand il a fait da'wa à ses compagnons, il a demandé l'allégeance, il n'a pas émis 10 piliers à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans l'authentique d'Al Bukhari de Hadith Ubad ibn Samit radiallahu anhu qu'il a dit: nous avons fait l'allégeance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour écouter, hein, et obéir. Hein, dans l'aisance et dans la difficulté. Et qu'on ne concurrence pas les gens du pouvoir pour leur pouvoir. 3. Et qu'on dise la vérité. 4. Et qu'on craint rien en Allah Azza wa Jal. 5. Ça y est. Dans notre hadith, nous avons fait l'allégeance à Muhammad alayhi salatu wasalam d'écouter, d'obéir. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a rajouté: vous obéissez sur les choses que vous pouvez, selon vos capacités. Ya Allah. Dans notre hadith, nous avons fait l'allégeance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans l'obéissance, dans le fait d'écouter et d'obéir. Et de conseiller tous les musulmans. On dit: regarde, tu as 6 gars dont tu te réunis le hadith, il va sortir avec 5 ou 6 piliers, sur les 6 points sur lesquels Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait l'allégeance. D'où viennent les autres de Hassan ibn, d'où ils viennent? فهذه بعض الأركان العشرة وين الدليل على الباقي. الشيخ النجمي de dire voici certaines preuves pour certains piliers de la l'allégeance, mais d'où viennent les autres, c'est quoi leur preuve? فإن قيل إن بيعة البنا ليست لنفسي وإنما هي للعمل الإسلام، فالجواب أنه قد سبق البنا دعاة دعوا إلى الله دعوة سلفية أو قل سنية أسسوا دعوتهم على التوحيد كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا البيعة على أحد بالعمل للإسلام، ومع ذلك فقد نجحوا في دعوتهم رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. Ici on dit maintenant, Cheikh Najmi dit, ici on dit que l'allégeance d'Al Banna, il ne l'a pas pris pour lui-même. Il l'a pris pour l'activité islamique. La réponse est simple. Abu Hassan Banna, il y a eu des du'at et des prêcheurs qui ont appelé, qui ont fait une da'wa salafia et sunniya et qui ont basé leur da'wa sur le monothéisme. Comme a fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas pris d'allégeance chez qui que ce soit pour cette œuvre, pour œuvrer pour l'islam. Et malgré tout ça, ils ont réussi dans leur da'wa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa laysa li ahadin minhum ay al-muallimin an ya'khudha 'ala ahadin 'ahdan bimuwafaqatihi 'ala kulli ma yuriduhu wa muwalati man yuwalih wa mu'adati man yu'adih bal man fa'ala dhalika minhum kana min jinsi Genghis Khan وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق الله ورسوله. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الشيخ النجمي دون سيتي سي ان باساج justement qui parle de ces de l'allégeance. Il dit Cheikh l'Islam de Témir de Mujmou al-Fatawa, il dit, il n'appartient pas à un instituteur ou un éducateur de prendre un pacte sur quelqu'un parmi ses disciples. Que ce quelqu'un soit d'accord avec lui, il s'allie avec ceux avec lesquels le prof est allié, ou disavoue ce que le prof disavoue, etc. Hein? Il dit, celui qui agit ainsi, il agit comme Genghis Khan, des Tatars. Et ceux qui ont suivi la voie du Genghis Khan et ceux qui lui ressemblent, qui font que celui qui est sur la même voie qu'eux, c'est leur ennemi. Et celui qui n'est pas sur la même voie qu'eux, c'est leur ennemi. Mais ce qu'il appartient aux profs et à ceux et aux leaders, etc., c'est qu'ils suivent le pacte d'Allah, qu'ils respectent le pacte d'Allah azzawajal, qu'ils obéissent à Allah, à son messager, et qu'ils mettent en application les ordres d'Allah et les ordres de son messager, et que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait haram, ils le font haram, et ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait haram, ils font haram, et qu'ils respectent les droits d'Allah et les droits de son messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était la parole d'Yel Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. فالذي كان عليه جنكيز خان رئيس التتار الملاحدة يعني الأولين لأنهم أسلموا فيما بعد فهذه هي الحزبية وهي التي كان عليه جنكيز خان. سكدي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا فوا سور لاكيل تي جنكيز خان سي لو سيكتاريزم. جنكيز خان كي تي لو شاف دي تاتار اي كي ايتي دي زاتي اي دي ميكريون لي برومي كي اون فاي لو باي دو الاسلام ايتي دي ميكريون. ابري يا certains ils sont rentrés dans l'islam, il y a des Tatars qui sont rentrés de l'islam, etc. Mais la voie sur laquelle était Genghis Khan, c'est le sectarisme. Ils s'allient, ceux qui sont avec eux, ce sont leurs alliés. Ceux qui sont différents d'eux, ce sont leurs ennemis, etc. Wa rawa al-Dhahabi fi al-Siyar. وروى الذهبي في السير بسنده إلى قتادة قال حدثنا مطرف أي ابن عبد الله بن الشخير التابع المعروف قال كنا نأتي زيد بن صوحان فكان أي وهو من التابعين فكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجملوا فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين الخوف أي الرجاء والطمع. قال فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا النحو إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا ومن كان معنا كنا وكنا ومن خالفنا كنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون أقررت يا فلان حتى انتهوا إلي فقالوا أقررت يا غلام قلت لا قلت لا. قال زيد الفقيه الرئيس لا تعجلوا على الغلام ما تقول يا غلام قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا غير العهد الذي أخذه علي فرجع القوم من عندي آخرهم ما أقر منهم أحد وكانوا زهاء 30 نفسا. Maintenant écoutez cette histoire. Il apprend comme leçon. La vérité, on l'apprend de qui il vient. Quand on nous rappelle à la vérité, qu'il soit grand ou petit, on doit revenir à la vérité. Dahabi, rahmatullah alayh, dans Siyar, il rapporte avec sa chaîne de transmission à Qatada, dit que Matraf l'aura dit. Matraf, c'est Abdullah ibn Shikhir, un grand tabi'i qui est connu. Il dit, nous allions chez Zayd ibn Sahwan, qui était un des tabi'in aussi. Et ce Sahwan disait, ô serviteur d'Allah, soyez généreux, embellissez, car le moyen des serviteurs vers Allah s'obtient avec deux choses. La peur d'Allah et le fait d'espérer en Allah Azza wa Jal. Et il a dit un jour, je suis venu vers eux dans leur assemblée, alors qu'ils ont écrit une feuille, et ils ont fait des phrases comme ceci. Et ceci ressemble exactement aux feuilles que font les Ikhwan. Alors que ça, c'est le 7e siècle, c'est la fin du 7e siècle et le début du 8e siècle. Donc il y a des gens qui sont passés avant eux dans tout ça. Et dans cette feuille, il est marqué Allah, c'est notre Seigneur. C'est le genre de phrase qu'aiment les Ikhwan musulmans. Et comme ça, ils sont dans leur tract. Mohammed est notre prophète. Le Coran est notre imam. Celui qui est avec nous, nous sommes avec. Et celui qui est contre nous, ben nous serons contre. Nous nous réunirons tous et toute notre force contre lui. Et il a dit, ils ont commencé à exposer ce livre aux gens et à leur dire, est-ce que tu confirmes ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu approuves ce qu'il y a dedans? Et tout le monde approuve jusqu'à ce qu'ils sont arrivés devant un petit. Il dit, oh Roula, mon petit, toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, moi, non, je ne confirme pas. Je n'approuve pas, je ne confirme pas. Zayd, qui est le chef, et qui est le jurisconsulte, et qui est la tête, qui est un tabiri, il a dit, ne vous pressez pas sur le petit, laissez-le. Qu'est-ce que tu dis, toi, le petit? Il dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, a pris sur moi un pacte dans son livre. Je ne vais pas innover un autre pacte. Je ne vais pas ramener un autre pacte en dehors du pacte d'Allah. Allah, il a pris sur moi un pacte. Je ne vais pas innover, ramener un pacte nouveau que celui que j'ai donné à Allah, Azza wa Jal. Et tout le monde est revenu à sa raison. Du premier jusqu'au dernier. Ils étaient plus de 30 personnes. Hein? Enfin, regarde comment ce jeune, avec cette clairvoyance qu'Allah lui a donnée, comment il a anéanti ce sectarisme. Et cette hizbiya qui allait naître. Et ça, c'est là, regarde ce que fait la compréhension et la science. Hein? Et nous, ici, dans ce genre de pays, nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans une hizbiya et dans un sectarisme, de là où nous ne le sentons pas et de là où on ne le voit pas venir. Dans ce pays, par exemple, pour ne pas avoir la loi contre soi, tu es obligé d'avoir des associations. Hein? Des associations pour pouvoir organiser des séminaires, organiser ceci, etc. Mais il faut faire très attention qu'on ne devienne pas sectaire pour les responsables et ceux qui sont à la tête de cette association. Ce qu'ils disent, c'est la vérité, ceci, on est à Andak. Si la Hizbiya peut naître, de là on ne le sent même pas. Ce que dit le responsable de l'association, c'est la vérité. Ça y est, tout le monde gobe là, même si c'est faux. Hein, on tombe dedans. Hein? Donc il faut faire très attention. La Hizbiya, c'est très simple. On peut y arriver, shaitan, on bilit des situations, on tombe dedans. Il dit le Cheikh Najmi, Hafidhahullah ta'ala, wa fi hada dalilun. على أن البيعة لا تؤخذ في الدعوة لأن الله عز وجل قد أخذ على عباده أن يطيعوه ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه وما على الداعية إلا أن يبين للناس ما أمرهم الله به ورسوله وقد قال عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ وقال له فذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الشيخ النجمي دوجيغ et dans ça c'est-à-dire dans cette histoire que tu viens d'entendre cité par l'imam Dabi rahmatullah alayh qui est l'un des grands élèves du Cheikh l'Islam de Taymiyyah rahmatullah alayh dans ça il y a une preuve claire comme quoi on ne prend pas d'allégeance pour dawa qu'Allah Azza wa Jal après déjà un pacte sur ses serviteurs qu'ils obéissent à son messager alayhi salatu wasalam qu'ils mettent en application ce qu'il leur a ordonné qu'ils s'abstiennent de ce qu'il leur a interdit et da'i celui qui prêche il n'a qu'à éclairer les gens leur montrer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam veut d'eux ce que le grand enseignant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son message ceci tu n'as que l'éclaircissement tu n'as que la transmission tu dois juste leur transmettre le reste c'est Allah il n'y a pas hein? Donc il a dit aussi et au prophète alayhi wa sallam rappelle tu n'es que quelqu'un qui doit faire le rappel tu n'as pas de pouvoir sur eux ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وبعد البيان الذي يقوم به الداعية يترك الناس يعملون فيما بينهم وبين ربهم فهو الذي سيحاسبهم إلا إذا ظهر له أنه أن أحدا ركب محرما أو قصر في واجب فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق المشروعة لذلك وبحسب الحالة المناسبة أما أن يخد عليهم البيعة أن يخلصوا أو أن يتجردوا لما أوجبه عليهم وكلفهم به أو أن يتآخوا أو أن يثق المتبوع في التابع حتى يعطيه الطاعة العمياء فهذا ما أنزل الله به من سلطان Donc, après l'éclaircissement, Cheikh Najmi de nous dire, après l'éclaircissement, d'Al Da'i, quand il fait des éclaircissements, c'est ce que veut Allah Azza wa Jal des gens, il doit les laisser eux œuvrer entre eux et Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va comptabiliser leur acte, c'est lui qui va leur faire le compte. Mais s'il lui apparaît que quelqu'un est tombé dans quelque chose de blâmable, dans un haram, etc., ou il était négligent dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait obligatoire, il doit ordonner le bien. Il doit blâmer le mal selon la voie légiférée et selon les situations. Mais de prendre une allégeance sur les gens pour que les gens soient sincères et qu'ils soient dépouillés pour ce qu'il leur a fait obligatoire et ce qu'il leur a imposé et qu'ils soient frères entre eux, etc. et que le disciple ait confiance dans le leader et ainsi de suite et qu'il lui donne, qu'il lui obéisse une obéissance aveugle, ceci n'est pas dans la religion de Allah, il n'y a pas de preuve contre tout ça. الجهه الرابعه جعله للطاعه في المرحله الثانيه من مراحل الدعوه الثلاث التي ابتدعها طاعه عسكريه لا بد فيها من التنفيذ سواء كان الامر خطا ام صوابا باطلا ام حقا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من الخطأ ومؤيد بالوحي يشاور أصحابه وقد شاورهم يوم بدر وشاورهم يوم أحد وقد مر بنا قريبا أنه كان يبايع أصحابه على السمع والطاعة ويلقنهم فيما استطعت La quatrième critique contre ce point de l'allégeance et contre les 10 points, les 10 piliers de l'allégeance ديال البنا, Cheikh Najmi de le dire, il a fait que l'obéissance dans la deuxième étape c'est une étape dans le dawa qu'il a innové et il a fait que cette étape la troisième étape que ce soit une obéissance militaire c'est à dire qu'il est obligatoire de mettre en application l'ordre même si c'est une erreur qu'il soit vrai ou faux tu le mets en application hein? Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui était épargné de l'erreur et qui avait la révélation avec lui, se concertait avec ses compagnons. Il s'est concerté avec eux le jour de la bataille de Badr. Il s'est concerté avec eux le jour de la bataille de Hud. Et il vient de passer avec nous, comme quoi il prenait l'allégeance qu'il prenait sur ses compagnons, c'est qu'ils obéissent, et ils écoutent dans ce qu'ils peuvent. Et il leur apprenait de quoi ? Dans ce qu'ils peuvent, tout simplement. أما الطاعة عند البناء فإليك ما قاله في رسالة التعاليم. Quant à l'obéissance chez le Banna, Écoute ce qu'il a dit dans son épître, les enseignements. قال وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمنكرة وذلك أن مراحل هذه الدعوة ثلاث إلى أن قال في المرحلة الثانية التي هي مرحلة التكوين ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. Il dit, quant à l'obéissance, Cheikh Najmi de nous dire, quant à l'obéissance chez le Banna, comme il le dit dans son épître, les enseignements, je veux parler, le Banna, il dit, je veux par l'obéissance mettre en application les ordres, les mettre tout de suite en application, qu'on soit dans la difficulté ou là dans l'aisance, qu'on est enthousiaste ou qu'on ne l'est pas, qu'on est content ou qu'on ne l'est pas. Car les étapes de la da'wa sont trois. Ce qu'elle dit dans la deuxième étape, c'est l'étape de la formation. Et l'organisation de la da'wa à ce niveau-là, il est sophi, pur, de ce côté-là. Du côté de l'âme, il est sophi pur. Et militaire, du côté des actes, de la mise en application des actes. Et l'emblème de ces deux voies, c'est-à-dire le sophisme et le militarisme, c'est l'ordre, l'obéissance. L'ordre, l'obéissance. Sans hésiter. Et sans poser des questions à son chef ni quoi que ce soit. Et sans avoir de gêne, et sans avoir de doute. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a demandé ainsi. Obéissance sophie militaire. De là, tu comprends. Quand tu discutes d'un ikhwan autour de toi, dans une université ou la Lille, qu'il est entêté. Parce qu'on lui a bourré le crâne comme ça. Tu vois qu'il n'arrive pas. Tu dis pourquoi? Les choses sont claires. Les preuves sont claires. Pourquoi il ne revient pas? Regarde comment on les remplit. Regarde comment on fait d'eux qu'ils soient bornés. Sophie, militaire. Bornés. C'est leur éducation qui veut ainsi. C'est ainsi qu'ils ont été formatés. Parce que ceux qui sont dans l'organisation, ils insistent à tout, etc. C'est difficile de pouvoir argumenter avec. Et même tu argumentes, etc. Et des fois, il t'écoute, etc. Mais lui, il est borné, ça, il a été formaté. Et ceci est très dangereux. D'où ça vient? On regarde. Un tas. Les paroles directement du fondateur. Qultu. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى قلت وهاتان الناحيتان غريبتان عن الإسلام فالطاعة في الإسلام حكمها الوجوب إلا أنها مقيدة بقيود الأول مقيدة بالمعروف فلا طاعة في المعصية. الشيخ النجمي دو كريتيكي سو باساج دو دير سي دو اسبي سو اترانجي على الإسلام كار لوبيسونس دون الإسلام سا سونتونس سي لوبليغاسيون. Mais il est conditionné par des conditions. D'abord, il faut que l'obéissance soit dans le bien. Il n'y a pas d'obéissance dans le mal. L'obéissance, il est dans le bien, il n'est pas dans le mal. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وقد ورد أيضا إنما الطاعة في المعروف. إذن الأوثنتيك ديال البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم دي écoutez obéir c'est une vérité حق c'est une obligation tant qu'on n'ordonne pas le mal il a dit tant qu'on n'ordonne pas le péché et quand on nous ordonne un péché il y a pas à écouter il y a pas à obéir. Et dans un autre hadith chez l'imam muslim l'obéissance il est dans le bien tout simplement l'obéissance elle est dans le bien. هذا هي la première condition de l'obéissance. القيد الثاني أن تكون الطاعة في ما يستطيع المرء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا على السمع والطاعة ليلقنه فيما استطاع رواه البخاري بمعنى في كتاب الأحكام من صحيحه. Et donc la deuxième condition en ce qui concerne l'obéissance, c'est que l'obéissance soit dans ce que peut l'être humain. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la lésance à un homme, il lui dit tu obéis, tu entends et tu obéis, et lui apprend aussi dans ce que tu peux. Il est rapporté par Imam Bukhari rahmatullah alayhi dans le livre des sentences. وهذه الأحاديث دالة على أن الطاعة مقيدة بما يستطيع العبد Et ces hadiths prouvent que l'obéissance est conditionnée par ce que peut faire l'être humain. Ce qu'il ne peut pas faire, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui impose pas ce qu'il ne peut pas faire. وقد بوب الإمام البخاري بقوله باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. Regardez cette jurisprudence, cette clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'imam Bukhari. Il y a un chapitre, la fermeté de l'imam, il impose aux gens ce qu'ils peuvent. Point final. Ce qu'ils peuvent. Ce qu'ils ne peuvent pas, il n'a pas à leur imposer. Ils n'ont pas à le faire. Ils ne le peuvent pas. وورد فيه حديث ابن مسعود قال أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه قال أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها أي لا نطيقها فقلت له والله لا أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله ومعنى لا نحصيها لا نطيقها ومنه قوله في سورة المزمل علم أن لن تحصوه أي لا تطيقوه إلى سيتي سحاديث الشيخ البخاري après ce titre il cite ce hadith d'Ibn Mas'ud qui dit un homme est venu me voir il m'a demandé sur une situation et je ne sais pas quoi lui répondre. Il m'a dit, tu as vu un homme qui est très actif, très enthousiaste, de l'énergie, etc. Il sort avec nos chefs. Et il est parmi nos chefs, Zama. Et il prend la ferme résolution, il nous ordonne des choses que nous ne pouvons pas. Ibn Mas'ud lui dit, par Allah, je ne sais pas quoi te dire. Mais nous étions avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, il ne nous impose pas des choses. Il le dit juste une fois et on le fait. C'est-à-dire, il ne leur impose pas. Mais là, il lui cite la situation de quelqu'un qui leur impose. Hein? Ferme résolution, vous devez faire ça. Il dit, Rasulullah, une fois, il le fait sans qu'il soit en ordre ni quoi que ce soit, et nous le faisons. Hein? Et il a cité aussi. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى من هنا تعلم أن قول البناء ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية ومعنى ذلك أن الناحيتين تتفقان على وجوب التنفيذ من غير مراجعة ولا تردد ولا تأخير. الشيخ نجمي de nous dire البناء il a dit de là tu sais la parole de البناء qui dit et l'organisation de la da'wa à cette étape là l'étape de la formation et صوفي clair, pur de ce côté-là. Ou du côté de l'âme, il est soufi. C'est une étape soufi, claire. Et militaire au niveau des actes. Cela veut dire que ces deux points sont identiques, se réunissent sur une chose. L'obligation de mettre en application. Sans hésitation. Et sans poser de questions. Et sans s'attarder. وشعار الصوفية يقول الشيخ وشعار الصوفية كن بين يدي شيخك كالميت أي تجرد من عقلك وثق به ثقة عمياء ونفذ كل ما يطلبه منك وإن ناقض الدين والعقل وشعار النظام العسكري يقول نفذ ثم اعترض أي لا تعترض قبل أن تنفذ il emblème des soufis tu dois être dans les mains de ton cheikh comme l'eau mort entre les mains des laveurs de ceux qui le lavent. C'est-à-dire, tu dois te dépouiller de ta raison. Tu n'as plus de raison. Tu dois avoir une confiance aveugle dans ton chir. Hein? Et tu dois mettre en application ce qu'il veut de toi, ce qu'il t'a demandé. Même ceci est en contradiction avec la raison, avec la religion. Hein? Et l'emblème de l'organisation militaire, c'est quoi? C'est tu mets en application, tu ne t'opposes pas. Et après, une fois que tu as mis en application, à ce moment-là, tu ramènes ta tranche. Tu ramènes ta tranche, tu critiques si tu veux. Mais tu mets en application d'abord. ومن هنا تعلم أن النظام الصوفي والعسكري في الطاعة كلاهما نظام باطل مخالف للإسلام ومضاد له وبالله التوفيق. الشيخ نجمي de dire, partant de là, tu sais que l'organisation soufi, l'organisation militaire, dans l'obéissance, en ce qui concerne l'obéissance, il faut bien comprendre ça, sont faux et sont en contradiction avec l'islam. Au niveau de l'obéissance, ils sont en contradiction complète avec l'islam. Parce que l'obéissance, il est conditionné. Parce que par le bien, il faut que ça soit un ordre dans lequel il y a le bien, et il faut que ça soit dans ce que peuvent les gens. Dans ce que peuvent pas les gens, ben, ils ne le peuvent pas. ويقول الشيخ الجواني هذا إذا سلمنا بأن البيع الإخواني صحيح أما وهي بدعية لأنها افتيات على ولاة الأمور فالإخوان يأخذون البيع على أتباعهم وهم رعايا في دولة إسلامية عليها ولاة أمور ومع ذلك يأخذون هذه البيعة السرية فهي بيعة أهل البدع الرافضة وغيرهم فأصل هذه البيعة فاسد والقاعدة عند أهل العلم تقول ما بني على فاسد فهو فاسد ثم زادت فسادا وبطلانا بهذه الشروط التي أضافها البناء. Donc maintenant, supposons gars, si la baya d'Ikhwani est authentique, alors il l'est pas, c'est une baya qui n'est pas authentique et c'est un mensonge. En plus, c'est prendre la place des gouverneurs. Hein? Les Ikhwan, quand ils prennent l'allégeance sur leurs disciples, alors que leurs disciples sont des pays de l'islam, c'est quelque chose de mal. Ils le prennent en secret déjà. Je veux dire, ils ne le prennent pas en public. C'est en secret. C'est dans les ténèbres d'un appartement ou d'une cave ou là dans un trou à rats. Cela te prouve que ça, c'est une allégeance innovée. Hein? Et c'est la même chose que font Rafida. Et donc l'origine de l'allégeance à l'Ikhwan al-Muflisoun, il est non avenant, il est mauvais. Et la règle, c'est les hommes de science, tout ce qui est construit sur du mauvais est mauvais. Et en plus, il est encore devenu encore plus mauvaise par toutes ces conditions et ces piliers que lui a mis Hassan al-Banna. قال الشيخ أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج في مناهج الإخوان إن للطاعة في الإسلام حدودا ظاهرة ومعالم واضحة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et encore une fois, Cheikh Najmi nous cite des paroles de Cheikh Ahmed Salam pour montrer que même les anciens Ikhwan critiquent l'Ikhwan. Il dit dans son livre, cette parole que cite Cheikh Najmi du livre de Ahmed Salam dans son livre Regard sur la voie d'Ikhwan, il dit quant à l'obéissance dans l'islam, il a ses limites qui sont claires. Et il a des emblèmes clairs, des jalons qui sont clairs. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite ce verset où Allah il dit, et le verset, la traduction approximative nous dit ceci: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et aux hommes de science et aux gouverneurs. Et si vous avez un problème, vous devez le ramener vers le livre d'Allah et la sunna du prophète, vers Allah et son messager, c'est-à-dire vers le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Si vous croyez en Allah et en le-delà, ça c'est la meilleure des choses à faire et la meilleure des interprétations, et c'est mieux pour vous. فيقول فطاعة الله هي أساس التوحيد وحقيقته وطاعة الرسول هي من طاعة الله سبحانه وتعالى فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطاعة الله أطاعه ولذا أنزل الله سبحانه وتعالى رسوله منزلة لم ينزلها أحدا من الناس وجعل له طاعة لم تكن لسواه قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما. Donc, et toujours la citation d'Ahmed Sallam que nous fait Cheikh Najmi ici, dit l'obéissance à Allah, c'est la base du monothéisme et la réalité du monothéisme. Et l'obéissance au messager alayhi fait partie de l'obéissance à Allah azzawajal. Celui qui obéit au messager, c'est par obéissance à Allah azzawajal qu'il obéit au messager. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette place à Muhammad alayhi salam qu'il n'a donné à personne d'autre. Il est dit dans le verset dans Surat Ada Nisa 65, par ton Seigneur, là il fait le serment, par ton Seigneur, ils ne vont pas croire, c'est-à-dire ils n'auront pas la foi complète jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge, qu'ils doivent prendre comme juge. Mohammed alayhi salam, dans n'importe quel litige qu'ils ont entre eux, qu'ils ne trouvent rien à dire quand tu y mets une sentence. Et qu'ils se soumettent complètement à la sentence. Et donc ça c'est la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à notre prophète, hein, alayhi salatu wassalam, une place qu'il a donnée à personne. وهذه الطاعة المطلقة التي جعل الله لرسوله والتي لا يتحقق إيمان عبد دونها لأنه عصمه الله من الخطأ والهوى. وفي هذه الآية فرض الله طاعة أولي الأمر فيما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لهم فيما سوى ذلك. ولذا قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. Toujours dans les paroles d'Yala que cite le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala des paroles d'Yala Sallam, il dit l'obéissance au sens large des termes, il est donné au message, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager alayhi salatu wassalam, car la foi ne peut pas s'accomplir sans cette obéissance à Muhammad alayhi salatu wassalam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait que Muhammad alayhi salatu wassalam il est épargné de l'erreur et des passions. Et il a dit dans ce verset qu'il a cité, Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire l'obéissance aux hommes de science et aux gouverneurs dans ce qu'il leur donne, dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance à Muhammad alayhi salatu wassalam. Car en dehors, s'il donne quelque chose qui est en désobéissance, qui amène à la désobéissance à Allah et à son messager, il y a pas de, on ne leur obéit pas, hein, il n'y a pas d'obéissance à leur donner dans ces cas-là. C'est pour ça que juste après il a dit, et si vous avez un problème, vous devez le ramener vers le livre d'Allah et vers le messager alayhi salatu wassalam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans l'obéissance à Allah azza wa jal. وذلك أن ولي الأمر مهما كان على علم وفضل فإنه بشر يجوز عليه الخطأ والنسيان والميل مع الهوى والأمر بالظلم وغير ذلك, فكان لا بد من وضع حد لطاعته حتى لا تزل الأمة بخطئه ولا تنحرف بانحرافه. ولذا أوجب الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة أولي الأمر إلى أن قال فهل يتفق هذا المفهوم للطاعة مع مفهوم الطاعة الصوفية التي أدخلها البنا في أصوله صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري من الناحية العملية, أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. انتهى كلام أحمد حسن البنا أحمد سلام. Il dit toujours citation de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, il cite les paroles d'Yal Ahmed Sallam. Et il dit parce que pourquoi on doit obéir aux gouverneurs et aux hommes de science dans l'obéissance à Allah azza wa jal, et dans ce qu'ils ordonnent qui est, hein, une obéissance à Allah et à son messager. Pourquoi cette condition? Parce qu'il dit n'importe quel homme, quel gouverneur ou quel homme de science, avec la science qu'il a et les vertus qu'il peut avoir, c'est un être humain. Il peut faire l'erreur, il peut oublier, il peut pencher pour, par passion ou par autre, il peut ordonner l'injustice et autres. Donc, il faut qu'il y ait, Allah subhanahu wa ta'ala a mis une limite à son obéissance pour que la communauté ne dévie pas et qu'il ne le suive pas dans son erreur, qu'il ne le suive pas dans son égarement. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal et de conseiller les hommes, les gouverneurs et les hommes de science. Mais il faut être digne du conseil et savoir le faire. Hein? Le conseil, c'est ne pas monter sur un marbre et commencer à débiter les erreurs des hommes de science ou les erreurs des gouverneurs, les hommes de science dignes du nom, etc. Et il dit, est-ce que ceci va avec la définition de l'obéissance dans l'esprit d'Al Sophia et dans la compréhension Sophie, que le Benna a rentré dans ses fondements? C'est là la critique de Hamd Sallam à Hassan le Benna et au fondement de ce groupe. Ils disent que cette obéissance qui est ordonnée dans le livre et ces conditions qui ont été émises dans l'obéissance aux gouverneurs et aux hommes de science vont de pair avec la compréhension de l'obéissance chez les Sophies, et que Hassan le Benna a rentré dans ses fondements, dans les fondements de son groupe, dans les fondements, il dit Sophi Baht, Sophi pur, du côté spirituel, du côté de l'âme, et militaire pur, du côté de la mise en œuvre. Ordre et obéissance sans hésitation, sans poser de questions, sans doute et sans gêne. يقول الشيخ أبو مالك أن أحمد سلام كان إخوانيا والظاهر أنه رجع إلى السرورية ويقول هؤلاء السرورية له ميزة خاصة في المملكة السعودية وفي البلدان الإسلامية ولكن في الخارج أكثر وميزتهم أنهم بارعون جدا في تشويه السعودية ينظر رد الكردي على سلام بتقديم الشيخ عبيد حفظه الله تعالى والحط عليها ومن أدري ما هذا العداء للسعودية وسلام كما سمعه أبو مالك وغيره في شريط يقول في السعودية إذا ذهبت إلى المحكمة فالقاضي يخيرك تريد الحكم الشرعي أو القانون الوضعي انظر إلى هذا الكذب الأصلع المفضوح كل من يعيش في السعودية يعلم أن هذه كذبة وفرية من أين يأتوا بهذا الكلام الشيخ أبو مالك دون يدير كحمد سلام dont son apparence était un ikhwan, dont l'apparence était un ancien ikhwan, qui est revenu vers Sororia, qui est le mouvement authentificateur, qui s'est détaché, les Sororis se sont détachés de l'ikhwan pour authentifier. Mais ils sont tombés dans le pire qu'eux. Et ces Sororis ont une particularité, notamment en Arabie Saoudite et dans les pays de l'islam. Quand tu les vois, tu te fais avoir par eux. Ils ont l'apparence de Sunni et de Salafi. Et aussi, ils œuvrent beaucoup dans les pays étrangers, notamment en Europe, et leur principal but, dénigrer l'Arabie Saoudite. Et pour savoir plus sur les erreurs d'Al Hamid Sallam, il faut revenir au livre d'Al Sheikh Najmi. Je vous ai lu un passage de son introduction, d'un jeune demandeur de sciences qui a écrit un livre qui s'appelle Avertir les gens des erreurs d'Al Hamid Sallam. Et ce livre a été préfacé par Cheikh Obaid Hafidhallahu Ta'ala, dans lequel il cite toutes les erreurs d'Ahmed Sallam. Et on ne sait pas pourquoi les Sororis ont cette animosité, cette haine contre l'Arabie Saoudite. Cheikh Abu Malik et d'autres ont écouté Had Ahmed Sallam dire dans une cassette, quand tu vas dans les tribunaux saoudiens, le juge il te donne le choix entre la législation islamique et le canon des hommes. Et les lois des hommes. Et ceci, c'est un mensonge chauve. Il est clair. Parce que tous ceux qui vivent en Arabie Saoudite, ils connaissent l'Arabie Saoudite, ils savent très bien que c'est un mensonge. Regardez jusqu'où ils vont. Ils mentent, ils émettent des mensonges qui sont énormes. Hein? Un chauve, tu le vois de loin. C'est pour ça qu'on appelle ça en arabe, il y a une expression qui dit Al-Kadhib al-Asla', le mensonge chauve. فالسرورية يمتازون عن باقي الفرق التي تفرقت عن الإخوان بهذه الميزة التي يلحط على الدولة السعودية خاصة وحكام المسلمين عامة. السرورية ils ont cette particularité par rapport aux autres groupes qui sont sortis du giron de l'Ikhwan, c'est que ils n'ont d'ennemis déclarés que l'Arabie Saoudite et les gouverneurs des pays de l'islam. Ils essayent de les faire tomber tous. والذي يظهر لكل منصف أن السعودية أقل البلدان شرا وفيها العلم والعلماء والتوحيد والسنة ولا قبور ولا أضرحة فيها ولا ندري لماذا هؤلاء السروريون يعادونها يركزون عليها ويحرضون شبابها على علمائهم وولاة أمرهم ce qui apparaît à tout quelqu'un qui est de raison qui est juste, équitable que le pays où il y a le moindre mal c'est l'Arabie Saoudite Le pays où il y a le plus de science et le plus d'hommes de science, c'est l'Arabie Saoudite. Là où le monothéisme s'accomplit, c'est l'Arabie Saoudite. Là où la sunna s'accomplit, c'est l'Arabie Saoudite. Là où il n'y a pas de tombe qui s'adore en dehors de l'Allah, c'est l'Arabie Saoudite. Mais on ne sait pas pourquoi ces sororites dirigent leur haine contre, contre cet État et excitent les jeunes saoudiens à se révolter contre leurs savants et contre leur gouverneur. فأحمد سلام كسرور وسيأتي كلام سيء لسرور في علماء المملكة العربية السعودية بحيث يصفهم بأنهم عبيد العبيد فسرور وسلام وعرعور هؤلاء عندهم طريقة عجيبة في تشويه علماء السعودية وفي تشويه السعودية والسروريون المقيمون في السعودية والسعوديين السروريين لهم طريقة عجيبة في تشويه بلاد التوحيد وهم ممن يقطن فيها أو من أبنائها تربوا فيها وأكلوا من خيراتها وتعلموا في مدارسها وجامعاتها يعني السعودية أكرمتهم وأحسنت إليهم، ومع ذلك يقابلون هذا الإحسان بالإساءة ويكفرون النعمة ويجحدون المعروف. ما أكفر هؤلاء لنعم الله عز وجل. أحمد سلام أنسك سرور إي دي بارول دو سرور فون أريفي دون أن شابيترو شيخان تيتولي سرورية. Les paroles, les mauvaises paroles que dit Soror sur les savants de l'Arabie Saoudite. Il les décrit comme quoi ce sont les serviteurs des serviteurs. Hein? Jusqu'à les décrire comme quoi ils sont les serviteurs des serviteurs de Bush, du gouverneur d'Arabie Saoudite. Hein? Ils sont les serviteurs des serviteurs de l'Amérique. Ainsi il les décrit Soror. Hein? Soror, Sallam, Aror. Hein? Ils ont une voix étonnante. Dans le dénigrement de l'Arabie Saoudite et dans le dénigrement des savants et du peuple saoudien. Les sororis qui sont résidents en Arabie Saoudite et les saoudiens qui sont sororis, ils ont une voix particulière pour dénigrer leur pays, pour dénigrer le pays du monothéisme, alors qu'ils y vivent. Et ils alimentent la haine des jeunes contre leurs gouvernants, etc. Alors qu'ils mangent des bienfaits de ce pays, ils ont été éduqués dans leurs écoles, dans leurs universités, etc. Dieu que l'Arabie Saoudite les a honorés, les a comblés d'un bienfait, et eux, ils ne reconnaissent pas. Contrairement, pour rendre le bien par le bien, ben, ils rendent le bien par le mal. ولقد وصفهم الشيخ النجمي بأنهم عققة وهذا والله صحيح فالسعودية كانت لهم كالأم احتضنتهم وربتهم فإذا هم يقابلونها بالعقوق والنكران نعوذ بالله من الخذلان فحتى سرور كان في السعودية موظفا محترما فإذا به يفسد كثيرا من أبناء وشباب السعودية والشيخ النجمي يستشهد بأقوال سرور وسلام على الإخوان من باب وشهد شاهد من أهلها لأن هؤلاء كانوا معهم وانتقادهم ليس كانتقاد غيرهم. الشيخ النجمي رحمه الله حفظه الله ورحمه الله وعافاه وشفاه dit que les sororis ce sont des désobéissants, quelqu'un qui désobéit à ses parents. Aq. Et ça c'est vrai. Saoudia a été comme une mère pour eux. Il les a accueillis et ils se sont retournés contre elle. Soror était en Arabie Saoudite, il était honoré en Arabie Saoudite, il était un fonctionnaire respecté en Arabie Saoudite. Et il a fait du mal à beaucoup de jeunes, il a fait dévier beaucoup de jeunes saoudiens. Le Cheikh Najmi, Hafdallahu Ta'ala, s'il prend comme témoignage les paroles de Soror et les paroles de Ahmed Sallam, c'est par, en utilisant ça, et le témoin, il fait partie de vous. C'est-à-dire, le critique vous vient directement de l'intérieur. Il a pris les critiques d'Ahmed Sallam et de Hada et de Soror parce qu'ils étaient parmi eux. Et donc une critique qui vient de l'intérieur, ce n'est pas comme une critique qui vient de l'extérieur. والإخوان على هذا الذي يعترض عليهم ينبذونه ويطرحونه فالإخوان يجب أن يكون كالرجل الآلي لا يعترض والصوفية تقول لا تعترض فتنطرد. إخوان dans leur voix, ils sont éduqués sur ça. C'est-à-dire celui qui s'oppose à eux, ils le mettent de côté. Ils le dénigrent. La haine. Hein? Et les Khouani, il doit être comme le robot. Il ne doit pas s'opposer. Il est formaté, il doit exécuter. Il doit être comme Sophie. Les Sophie, ils disent, ne t'oppose pas, sinon tu vas être jeté dehors. Voilà. On va terminer avec ce petit paragraphe pour arriver à la critique, à la 16e critique. لأقول إن البنا أنزل نفسه منزلة مشرع حين فرض طاعة تختلف عن الطاعة التي فرضها الله ورسوله وفرض بيعة وجعل لها أركانا عشرة وفرض طاعة عمياء وثقة في القائد لا تختلف عن الثقة في المعصوم من الخطأ ولا نعرف أحدا من أهل الإسلام وعلماء الإسلام يقول بعصمة أحد من الخطأ إلا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في أئمتهم وإلا الصوفية في شيوخهم ومع ذلك يزعم البنا أن دعوته دعوة سنية سلفية مع ما فيها من طوام ودواهي أوقع فيها تربيته الصوفية التي عاشها في نشأته وطبق الكثير منها في دعوته. Voici ce dernier passage dans la 15e critique où Cheikh Najmi Hafidhahullah dit Al-Banna s'est posé comme législateur quand il a fait obligatoire le fait d'obéir. qu'il a fait obligatoire une obéissance qui est en divergence, qui est différente de l'obéissance à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire et son messager alayhi salatu wassalam. Il a fait obligatoire une allégeance, et il a fait à cette allégeance des piliers, et il a fait obligatoire une obéissance aveugle et une confiance dans le guide qui ne soit pas différente de la confiance qu'on doit avoir dans celui qui est épargné de l'erreur. Et on ne connaît pas un homme de l'islam ou un homme de science de l'islam qui dit que quelqu'un est épargné de l'erreur, sauf Shia qui croit en 12 imams. Hein, ils croient que leurs imams, leurs 12 imams, sont épargnés de l'erreur. Et sauf Sophia, qui croit que leurs chouyours ne tombent pas dans l'erreur, ils sont épargnés de l'erreur. Et avec tout ça, le Benna prétend que sa da'wa, c'est une da'wa sunnite et c'est une da'wa salafite, malgré toutes ces catastrophes qu'il y a dedans, et malgré toutes ces énormités qu'il y a dedans. Mais c'est quoi qui l'a poussé à tomber là-dedans, dans ces énormités? Cette éducation soufie dans laquelle il a grandi. Et il a mis dans son groupe, il a rentré tous les principes du soufisme dans son groupe et dans sa da'wa. Sallallahu subhanahu wa ta'ala wa lakum tabat wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ja'alna wa iyyakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum ahsanallahu lakum wa jazakumullahu khairan.